Tes yeux brillent trop fort, j'en perds les mots, j'en perds le nord sur ta peau. Reflet qui danse, je respire court, je tente ma chance. Tu cries que tout va trop vite, que ton cœur parfois se délite, mais tu restes collé à moi, comme si ce soir changeait ta loi. Toute ma logique, you say it's just biology. Mais je tombe quand tu souris.